Neuvièmement, quand elle fut rentrée au logis, la falaise blanchissait. Près du lit, elle prit une chaise et s'assit toute pâle. On eût dit qu'elle avait un remords, et son front tomba sur le chevet, et, par instant, à mots entrecoupés, sa bouche parlait, pendant qu'au loin grondait la mer farouche. Mon pauvre homme, ah mon Dieu, que va-t-il dire? Il a déjà tant de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait là? 5 enfants sur les bras. Ce père qui travaille. Il n'avait pas assez de peine. Il faut que j'aille lui donner celle-là de plus. C'est lui? Non, rien. J'ai mal fait. S'il me bat, je dirai « tu fais bien ». Est-ce lui? Non. Tant mieux. La porte bouge comme si l'on entrait. Mais non. Voilà-t-il pas, pauvre homme, que j'ai peur de le voir rentrer, moi, maintenant? Puis elle demeura pensive et frissonnant, s'enfonçant par degrés dans son angoisse intime, perdue en son souci comme dans un abîme, n'entendant même plus les bruits extérieurs, les cormorants qui vont comme noirs crieurs, et l'onde et la marée et le vent en colère. La porte tout à coup s'ouvrit, bruyante et claire, et fit dans la cabane entrer un rayon blanc. Et le pêcheur, traînant son filet ruisselant, joyeux, parut au seuil et dit « C'est la marine !»